Vous écoutez France Culture. L'on pourrait exprimer ainsi ce qui nous attend pour l'heure à venir. Nous allons mettre à jour les trésors de l'inconscient, cette force cosmique qui illumine en même temps qu'elle assombrit notre vie spirituelle. Que l'on se rassure dans les chaumières mélomanes ? Non, nous n'avons pas décidé de prendre une participation active à la cacophonie guerrière à laquelle se livrent actuellement les chantres freudiens et les anti-freudiens, leurs clones ennemis, non. Bien au contraire, cette pensée de Maeterlinck sur l'inconscient, loin de tout carcan idéologique ou mélodique, nous entraîne à nous perdre vers des harmonies libres, dans un monde où la musique se tait, se sculpte parfois pour nous faire entendre le silence, le mystère des sons, et celui des êtres. Une musique qui rend l'écoute poétiquement flottante, non pas par manque d'attention, mais parce qu'elle est ici écrite pour peindre l'inexprimable, cet imprononçable, inconnaissable, qui, comme la voulait son créateur, semble sortir de l'ombre pour mieux y retourner parfois. Dans ce monde-là, où le ciel même est invisible, indicible, hommes et femmes se croisent, s'effleurent, se parlent, s'empoignent, sans jamais véritablement se rencontrer. Ils ont pour nom Mélisande ou Péléas, Golo, Arkel, Ignold, Geneviève. Parlant de ce monde et des mystères musicaux et philosophiques auxquels ils nous confrontent, parlant de ce chef-d'œuvre souvent mal aimé, Pierre Boulez concluait « Il faut chercher plus profondément ». Alors, cherchons ensemble les Vendredis de la musique numéro 40, Claude Debussy, Péléas et Mélisande, l'obscure clarté. Jusqu'ici, on dirait qu'il a plu sur mon cœur. Tu dis cela si franchement, comme un ange qu'on interroge. Je ne puis pas le croire, Mélisande. Pourquoi m'aimerais-tu? Mais pourquoi m'aimes-tu? Est-ce vrai ce que tu dis? Tu ne me trompes pas, tu ne mens pas un peu pour me faire sourire. Non, je ne mens jamais. Cette déclaration d'amour océanique qui est au cœur de l'opéra, eh bien, ce fut les premières mesures composées par Claude Debussy, donc ce Péléas et Mélisande qui va donc nous occuper. Cherchez, disait Pierre Boulez, d'accord, cherchez, mais alors face à une œuvre aussi complexe que ce Péléas et Mélisande de Claude Debussy, il faut avoir de la ressource pour chercher et pour trouver. C'est pourquoi nous aurons à notre disposition, si j'ose dire, un Péléas en la personne de Philippe Addis, qui vient tout juste de s'emparer du rôle, on dit prise de rôle, parce que c'est un moment très important quand un chanteur chante pour la première fois une œuvre. Donc Philippe Addis qui est sur la scène actuellement de l'Opéra Comique à Paris. Et puis sa Mélisande, Karen Wursch, qui officie donc sur la même scène, avec d'autant plus d'émotion que c'est dans cette salle que l'œuvre fut créée le 30 avril 1902. Afin pour nous encore de chercher plus avant, eh bien nous allons, pour entrer dans cette ombre musicale et essayer d'y trouver des lumières, nous avons avec nous un musicologue passionné par la musique de Debussy, avec qui nous avions déjà exploré le prélude « L'après-midi d'un faune », c'est Claude Abromont. Alors là, nous avions mis face à face, si je puis dire, la Philharmonie de Vienne contre la Philharmonie de Berlin, Claudio Abbado contre Karajan, et surtout Wagner face à Debussy. Et Claude Abromont, évidemment, ça n'est pas par hasard, c'est pour voir que comprendre de cette relation Debussy-Wagner, et qu'est-ce que ça veut dire de composer Péléas après Wagner. Oui, alors pour Debussy, s'attaquer à Péléas, c'est donc un projet d'opéra pour lui, ça va être son premier grand opéra, il en écrira pas réellement d'autres, même s'il aura beaucoup d'autres projets. Il en a écrit un avant, qui est Rodrigue Chimène, mais très courageusement, la partition achevée de l'opéra, il a décidé de ne pas le faire jouer, il n'était pas assez content. Et donc, Péléas et Mélisande, ça sera un vrai opéra, le plus grand chef-d'œuvre de l'histoire de l'opéra en France. Et qu'est-ce qu'on écoute en France à la fin du 19e siècle, en cours, il attaque vers 1893 l'écriture. On écoute évidemment de la musique française, on va écouter l'opéra bouffe, on va écouter du Offenbach, on va écouter le grand style à la mode, c'est le naturalisme, hein, c'est l'esprit autour de Zola, c'est les grands opéras naturalistes, et on écoute aussi, bien que ce soit très contesté, des opéras de Wagner. Debussy lui-même en a joué plusieurs au piano pour faire découvrir ses grandes œuvres à l'époque, et il était à la fois fasciné par Wagner, il a été deux fois comme faire le voyage à Bayreuth. Pèlerinage même. C'est vraiment tout à fait ça. Et en même temps, il va rejeter Wagner progressivement, à l'exception du Parsifal qu'on a écouté. C'est vraiment le seul opéra qu'il va toujours aimer toute sa vie. Et donc, il va essayer de trouver une solution pour, à la fois, et c'est très malin, garder tous les acquis de Wagner, c'est-à-dire la patte orchestrale, le rapport aussi de l'orchestre par rapport aux voix. Parce qu'avant Wagner, ce qui domine, ce sont les voix et l'orchestre accompagne. Et Wagner va inverser les choses, va décider que l'histoire est racontée par la fosse, par l'orchestre. Et les voix se placent dans la musique. Et Debussy ira encore plus loin sur ce terrain-là. Alors, est-ce qu'on peut essayer de comprendre? Parce que quand il décide de créer un opéra, il a une idée assez précise, au fond, de ce qu'il lui faut comme thème, comme poème. C'est très important aussi. Hein, ah, ça va être une longue quête, et il va être fasciné par Maeterlinck dès qu'il en lira, donc notamment la princesse Malène, qu'il a voulu mettre en musique, que Satie a voulu mettre en musique aussi. Donc, et il ne la connaissait pas encore à ce moment-là, Péléas. Et après, dès qu'il voit la pièce, il est fasciné, il se dit c'est la pièce qu'il lui faut. Et alors, Debussy, on est en 1893. C'est cela. Je crois que c'est publié en 92 et joué en 93. Et donc, Debussy avait une idée, je dirais précise du flou, si je peux me permettre cette plaisanterie. C'est-à-dire, il voulait quelque chose de où les personnages soient assez mystérieux, on soit loin de l'anecdote. Dans Péléas, ce qui trouble la première fois, je dirais, où on est face au texte de Maeterlinck, c'est le fait qu'à toutes les questions, il n'y a jamais de réponse. On ne sait jamais qui sont les vrais personnages. Donc Mélisande, on va la découvrir dans une forêt en pleurs. Apparemment, il y a une couronne qui doit lui appartenir, qui a été jetée dans une fontaine. Elle ne veut pas la reprendre. Elle pleure. Donc on ne saura jamais pourquoi elle pleure, quelle est cette couronne, d'où elle vient. On ne saura ni son âge, d'ailleurs. On ne saura rien d'elle. Et ça sera tout le long des cinq actes, tout de même. Avec des ellipses. Alors, on racontera peut-être tout à l'heure l'argument, le thème. Mais peut-être il serait intéressant de voir aussi que, de la même façon que Maeterlinck voulait rompre avec un théâtre traditionnel, hein, il s'inscrit dans une histoire du théâtre qui se veut quand même trouver d'autres façons que celles de la tradition théâtrale. Est-ce que Debussy, tout de suite, il a conscience qu'il veut aller justement ailleurs? Est-ce qu'il a conscience de vouloir révolutionner tout de même les choses? Révolutionner, je pense pas le bon mot. Je pense son souci, c'est un univers poétique, symboliste. Hein. N'oublions jamais qu'on place souvent Debussy dans les impressionnistes. Lui se sentait symboliste. Et d'ailleurs, dans Péléas, il y a plein de choses qui parcourent le texte de Maeterlinck. La chevelure, l'eau, les mains, le regard. Enfin, c'est vraiment travaillé par des idées comme cela. Et j'ai envie de dire, Debussy travaille sa matière sonore un peu comme cela, avec des couleurs, avec des touches. Et donc, il se sentait très proche d'un texte, je dirais, coloriste, hein, si on peut se permettre, avec des liens comme ça à très grande échelle, et non pas d'une narration, je dirais, traditionnelle. Et en cela, oui, il voulait renouveler. Alors, on sait que la création a été quand même assez agitée pour beaucoup de raisons. Il y avait des problèmes de choix de la chanteuse. Oui, alors donc il y a l'anecdote, comme toujours. Hein, c'est-à-dire que Maeterlinck souhaitait que son amie, qui était chanteuse, prenne le rôle de Madame Leblanc. Et Debussy va entendre Marie Garden, qui sera pour lui la Mélisande idéale. On a d'ailleurs des enregistrements. Les auditeurs peuvent écouter Marie Garden, la créatrice écossaise. Avec un bel accent. mais qui a le mystère que Debussy souhaitait. Et donc, il va imposer Marie Garden. Donc, Maeterlinck sera fou de colère, va dire « ce n'est plus mon œuvre, je souhaite qu'elle tombe le plus rapidement possible ». On fera partie donc des opposants de Pélléas. Mais je dirais, il y a d'autres raisons. Il y a des raisons aussi... le texte lui-même va faire rire beaucoup, parce qu'il est très, très facile à moquer, ce texte. On peut faire des plaisanteries très rapidement. Le titre lui-même a eu des mauvaises plaisanteries que je n'ose pas dire. Mais c'était vraiment très facile de faire des calembours assez légers sur cela. Mais je pense que la musique de Debussy était vraiment novatrice. Et peut-être qu'on ne connaissait pas encore à l'époque trop la musique russe. Je pense notamment à Moussorgski. Je pense à ce qu'on connaît encore moins, à Dargomyski, le convive de pierre, qui est très proche de l'univers de Debussy, avec cette façon de raconter en musique, avec une souplesse extraordinaire. Donc Debussy rentre dans cette, je dirais, mouvance, et va essayer de faire une prose musicale, quelque chose qui ne respecte pas les règles de l'harmonie. En général, les accords doivent aller à certains endroits, et Debussy va dire « mais non ». Il se met au piano, plaque des choses, et dit « ça sonne comme cela, et ça se suffit ». À soi-même, ça n'a pas besoin d'explication, de justification. Il y a une chose dont il se méfie beaucoup aussi, et c'est peut-être aussi dans la raison qui fait que, comme c'est du chant, ça heurte beaucoup, c'est de la mélodie. Il est très méfiant vis-à-vis de l'idée de la mélodie. Je dirais, il y a deux choses dont il se méfie. C'est le cinquième doigt des virtuoses au piano, qui jouent trop fort et qui font trop sortir la mélodie, c'est le pareil. Et des chanteurs qui font du chant et qui font, je dirais, qui attirent l'attention à la beauté de la voix en soi, comme une fin en soi, et il veut au contraire faire oublier ça. Il y a très peu de moments de Pélléas où le chanteur a la possibilité de se mettre en vedette. On verra qu'ils vocal. Sont importants. Ah, ils sont très importants, ils sont très par bien exemple, choisis. Dans la déclaration d'amour qu'on a entendue, il chante. Ah, c'est pratiquement la seule aria, elle fait une phrase, elle doit durer 10 secondes. C'est l'aria, mais quand on aime Pélléas, on attend ces moments-là et on jubile à ces trouvailles mélodiques assez formidables. Alors ce style nouveau, il va aller si loin que... Au conservatoire, on va interdire aux élèves de composition d'aller écouter Pélléas. Si on va écouter Pélléas, on est exclu de la classe de composition. Alors qu'est-ce qui est si nouveau ? Donc on a vu, ce sont les enchaînements, mais surtout c'est la prosodie. Et ça, on va écouter une scène qui est la fameuse scène de la lettre du premier acte. Donc là, on est au tout début. Au tout début. Voilà. Donc en gros, Golo a rencontré Mélisande au bord d'une fontaine, il l'a épousée. 6 mois après, il écrit, parce que normalement il était censé épouser la princesse Ursule, il écrit qu'il a épouser quelqu'un dont il ne sait rien, et il fait cette lettre. Et donc, dans le château où il y a son père Arkel, où il y a son demi-frère Pélléas, Geneviève, la mère de Pélléas et de Golo, va donc lire cette lettre à Arkel, qui est le vieillard, qui est la sagesse incarnée dans cet opéra. Et donc, pour cela, Debussy va essayer de trouver une diction en musique, comme on lit une lettre, ce que Monteverdi avait déjà fait longtemps avant. Mais là, ça va être très sec. Je dirais, il y a très peu de mélodie. C'est extraordinairement sobre. Et il va essayer de trouver quelque chose qui colle au français. Thank you. La Geneviève, donc de Nadine Denis, dans la version de Karajan avec la Philharmonie de Berlin. On voit aussi entre deux versions, parce qu'il n'y a pas de version idéale finalement. Mm-hmm. Il faut aller chercher ce qui est le plus beau un peu partout et le reconstituer. Et donc là, c'est Geneviève et la lecture de cette lettre, Claude Abraumont, dont vous nous disiez que... C'est troublant, hein, c'est un style tellement sobre. Et le texte est beau, on entend vraiment, on peut vraiment faire une diction en musique. C'est un nouveau récitatif, j'ai envie de dire, quelque chose de vraiment où on récite le texte, mais parfois on a l'habitude de quelque chose de plus enjolivé, et donc parfois il y a une forme de nudité de la musique, et avec une intensité qui peut venir d'une note de l'orchestre, d'un petit timbre. Et c'est vraiment des petites touches qui créent cette émotion extraordinaire. Alors on va peut-être essayer de... C'est pas très difficile, il y a des opéras qui sont très difficiles à résumer, parce qu'au fait, au niveau du factuel, l'histoire de Péléas et Mélisande est extrêmement simple. Ah, c'est très très simple. Donc trois personnages, hein, le trio. Donc Golo qui va épouser Mélisande. Mélisande qui, d'une certaine façon, aime la liberté, aime le ciel qu'elle n'arrive pas à voir dans ce royaume, qui est assez malheureuse. Parce que ça se passe dans un royaume imaginaire, qui est celui d'Almonde, dont Golo est le prince. Et donc elle a envie de sortir, et finalement la seule... sortie, c'est un peu Péléas. Avec cette phrase récurrente qu'elle va lancer tout le long de l'opéra, je ne suis pas heureuse. Hein, je ne suis pas heureuse. Elle est heureuse, mais elle est triste. Elle va dire aussi un moment. C'est toujours contradictoire. Et donc, elle va tomber amoureuse de Péléas. Péléas. Donc, il y a 14 ans de moins que son frère Golo. Oui. Péléas va tomber amoureux de Mélisande, ça, il n'y aura aucun doute sur le fait. Il y aura toujours une ambiguïté sur les sentiments de Mélisande qui ne seront jamais totalement limpides. Et ça va finir par la jalousie qui va monter jusqu'à la folie de Golo, ça va être assez effrayant. Il va se servir de son fils pour espionner, il y a une scène incroyable où il le regarde par la fenêtre, petit garçon qu'il met sur ses épaules et pour voir ce qui se passe dans la chambre. Ce sont des scènes assez terribles. Ce qui pose toujours d'ailleurs un problème d'interprétation. Par exemple, quelqu'un comme Boulez dit, il faut que ça soit un petit garçon parce que c'est la violence de la scène fait qu'elle est encore plus forte. Mais musicalement, c'est pas souvent très bon les voix de petits garçons. Ouais. Et c'est vrai que par contre, quand c'est chanté par une femme, ça perd de cette espèce de jeunesse, violence folle de Golo qui se sert des yeux de cet enfant. Pour lui et l'enfant ne pense qu'à jouer. Il veut un carquois et des flèches. C'est une scène vraiment effrayante. Et on aura une montée jusqu'à la grande scène d'amour du quatrième acte, dont on a écouté un extrait tout à l'heure, qui est le moment clé. Oui, ils reconnaissent finalement cet amour. Oui, ils se le disent. Depuis qu'ils se sont vus, ils se sont aimés. Et Golo va arriver, va tuer Péléas, son frère, va blesser à mort Mélisande, et Mélisande qui est enceinte. Et alors, le cinquième acte est peut-être l'acte le plus triste. On n'en écoutera pas d'extrait, parce que c'est trop insoutenable. Nous sommes fragiles. Oui, sommes fragiles et nous supposons pitié que nos auditeurs le sont aussi. Mais c'est un acte vraiment bouleversant, qui est en fait le départ de Mélisande, qui a donné jour à cet enfant qu'elle ne verra qu'une fois, qu'un seul jour. Et Golo, tourmenté par le remords, et surtout par le besoin de savoir, a-t-il eu raison de faire cela, et ont-ils été coupables? Il ne le saura jamais. Son lit de mort, il la torture encore. Il la torture. Pour savoir il si ne saura elle jamais. A aimé Péléas. Et donc ça termine de façon aussi ouverte que ça a commencé, par une grande question, une histoire d'amour qui désespérée, mais on ne sait plus qui a aimé qui vraiment. Et tout le monde est victime, en fait. Il n'y a que des victimes dans cette histoire. Pas réellement de bourreaux. Alors on va aller écouter Karen Wurge, donc, qui chante Mélisande à l'Opéra Comique dans la production qui est en ce moment sur scène, donc qui est dirigée par Sir John Eliot Gardiner, mise en scène par Stéphane Braunschweig, dans cette salle même donc, où fut créée Péléas et Mélisande, ce qui est assez émouvant de l'entendre là. Et en plus, c'est ça. L'espace est parfait pour cette œuvre. Et donc, elle va nous parler de cette Mélisande dont il est difficile de parler, puisque justement, c'est un personnage très mystérieux. Alors, on l'écoute. Karen Wurge. Mélisande, c'est une femme qui traverse beaucoup d'étapes, beaucoup d'épreuves. Elle a un côté très, très sauvage, notamment quand on la rencontre, mais elle garde ce côté sauvage avec un caractère très changeant, qui peut passer du rire aux larmes, vraiment. Elle est très énigmatique, elle ne répond jamais aux questions, elle répond aux questions par d'autres questions. C'est une femme qui s'échappe, c'est un savon dans une baignoire. Je me trouve beaucoup de points communs avec Mélisande, notamment dans ses silences, sa façon d'être absente, du moment des conversations. Et Et en même temps, c'est justement tout ce que je comprends pas d'elle qui est fascinant à interpréter. Comment est-ce qu'on interprète ce qu'on ne comprend pas? Et comment peut-être la partition vous donne des chemins dans cet indicible? C'est vrai que la partition donne des indications. L'écriture de Debussy est parfois contradictoire, par exemple, avec le texte. Alors qu'elle va dire « je suis heureuse » d'une façon musicale très triste, par exemple. Donc ça nous indique son état. Mais je crois qu'une des clés de Mélisande, c'est qu'elle ne comprend pas elle-même, en fait, ce qui lui arrive. C'est-à-dire que c'est une femme, en quelque sorte, qui n'a pas fait de psychanalyse. Donc elle est vraiment... Je pense qu'il est essentiel de jouer ce personnage dans l'instant présent, tout le temps. C'est-à-dire que, pour moi, elle n'est pas séductrice ou manipulatrice ou menteuse. Ou elle ne calcule pas les choses. Elle est comme elle est, et on le voit bien dans le texte. Elle dit sans cesse, mais elle dit qu'elle est malade. Et quand on lui demande pourquoi, elle dit « je ne sais pas ». Et je pense que c'est vraiment vrai. Elle dit qu'elle ne comprend pas ce qu'elle dit. Elle dit qu'elle ne... Quand Golo lui demande ce qui lui est arrivé, elle dit « je ne veux pas le dire, je ne peux pas le dire ». Et tout ça, c'est vrai. Je pense qu'il y a quelque chose en elle qu'elle ne comprend pas. Et donc ça, c'est une des clés pour l'interprétation. A fait du mal. Oh, oh, quel mal vous a-t-on fait? Étrange en fait dans le monde de l'opéra, puisque Mélisande elle est très très présente scéniquement, mais elle est très peu présente vocalement. C'est une femme qui écoute justement beaucoup. Elle va avoir des interventions souvent très courtes, un peu disséminées dans tout l'opéra. C'est une tessiture très centrale. C'est très intéressant, je trouve, à chanter. Effectivement, il n'y a pas de difficulté vocale particulière. Mais ce qui est difficile, c'est justement d'avoir le corps toujours prêt, alerte, pour avoir une continuité de souffle, une ligne de chant naturelle quand il s'agit de prendre la parole, puisque justement, elle la prend de façon très éparse. Et d'autre part, comme elle chante très peu, chaque phrase qu'elle dit est attendue et revêt un caractère assez particulier. Donc en tant que chanteuse, on a envie de goûter vraiment chaque mot, chaque voyelle, chaque syllabe. Donc ça a été un travail, et ça continue de l'être jusque à chaque représentation, ça le sera aussi. Ça a été un travail vraiment de fond dans la recherche d'une clarté d'émission, une ligne de chant très pur, un grand travail en amont que j'ai fait et que je fais avec John Elliott Gardiner, qui a envie de travailler exactement dans le même sens, donc ça c'est formidable. Je me sens assez à ma place dans Mélisande et je pense que je peux offrir quelque chose de particulier qui m'appartient. Et par exemple, la fameuse scène des cheveux, la scène de la tour où Mélisande coiffe ses cheveux, c'est très libre, c'est un moment complètement nu puisque l'orchestre se tait. Pour une fois, c'est Mélisande qui chante, elle a une page à chanter. Pour elle, c'est énorme. C'est vrai que cette question du tempo est importante parce que je pense que si c'est trop rapide, ça perd du caractère mystérieux et magique. Si c'est trop lent, il y a comme ça quelque chose de trop évasif qui se met en place. Et en plus, c'est un passage donc a cappella, donc la tonation est quand même très importante. Si c'est trop lent, on risque de rendre la chose plus difficile qu'elle n'est, en fait, en perdant légèrement l'intonation. Mélisande et sa chevelure. Alors la Mélisande ici était celle de Karajan, dirigeant la Philharmonie de Berlin, c'est-à-dire Frederica von Stade, une magnifique soprano. C'est une des beautés de cette version-là. Mmh. Le Péléas est moins convaincant, mais voilà, on vient de l'entendre dans ce chant magnifique. Et en plus, sur scène, elle était une très androgyne, une espèce d'évanescence en même temps assez belle. Et on voit bien que la complexité Karen Vourges vient de nous expliquer de ce personnage de Mélisande. Et avec ce thème de la chevelure, nous allons arriver à un autre élément. Alors, toute cette scène à partir de la chevelure de Mélisande et la façon dont ça va créer une relation entre Péléas et Mélisande et d'une sensualité et d'un érotisme, on peut dire, tout à fait étonnant. Oui, le texte est très beau. Les cheveux de Mélisande se détachent. C'est-à-dire qu'en fait, la scène, elle est dans une tour. Elle se coiffe le soir en haut de la tour. Péléas arrive et il parle. Il commence à parler. Il y a des colombes qui s'échappent. C'est très, très poétique. Et tout d'un coup, les cheveux de Mélisande se dénouent, tombent le long de cette tour. Péléas les attrape. Bas, il est sur le chemin de ronde. Il s'enroule dans ses cheveux. Les cheveux se prennent dans les branches du saule. Ça, c'était magnifique. Parce que le saule, c'est finalement des cheveux, je dirais, inversés, qui partiraient de la terre. Comme ça, il y a toute une vision poétique magnifique. Et alors, si on peut lire le texte, si vous me permettez, parce que ce texte, quand on l'écoute mêlé à la musique, est quand même tout à fait étonnant. Et quand je disais d'érotisme, il lui dit « Tes cheveux descendent vers moi, toute ta chevelure, Mélisande, toute ta chevelure est tombée de la tour. Je les tiens dans mes mains, je les tiens dans la bouche, je les tiens dans les bras, je les mets autour de mon cou. Je n'ouvrirai plus les mains cette nuit. » tout comme ça, il y a une espèce de déclinaison de la sensualité, de tout ce qu'il éprouve avec ses cheveux qui le pénètrent littéralement, qui est tout à fait étonnant. Alors elle, par contre, elle a peur de tomber. Elle est dans quelque chose de plus ambigu. Elle a peur tout au long. Oui, elle ne sait pas où elle va et elle a peur d'y aller en même temps. Et en même temps, elle meurt d'envie d'y aller. Il y a eu déjà une scène au bord d'une fontaine, Paris, où ses cheveux sont tombés dans l'eau et sa bague qui la liait à Golo est tombée aussi, ce qui était un geste aussi, un symbole très très fort de perdre sa bague. Et alors, Debussy, je dirais dans Péléas, sa musique va très loin dans l'érotisme. La situation n'y va pas, bien entendu. Et tout n'est que suggéré. Alors, par contre, il y a une œuvre de Debussy. On va y en écouter un extrait. Et d'ailleurs, avec la même soprano, ça va être passionnant. Karen Vourges, qu'on n'a pas dans Mélisande, mais qu'on va avoir là dans les chansons de Bilitis. Voilà. Et alors, Debussy était très ami avec Pierre Louis, qui a fait une petite farce. Il a publié ses chansons de Bilitis en disant que c'était des poèmes grecs de l'Antiquité, qu'il avait juste traduit, sans dire qu'en réalité, c'est des poèmes de lui. Debussy va adorer ça, va adorer d'ailleurs aussi Les Aventures du roi Pozzol, qui est un vrai roman érotique de Pierre Louis, que Debussy pensera mettre en musique d'ailleurs. Donc cette dimension érotique l'intéresse vraiment. Et alors là, on va avoir la même thématique, c'est la chevelure, mais traitée... Qui est un grand classique. Qui est un grand classique, bien sûr. Et par rapport au féminin, et par rapport à l'érotisme. Voilà. Mais alors là, dans une vraie scène érotique, avec un texte assez explicite, et donc où Debussy va aller très loin, je dirais, non seulement dans la sensualité, mais dans les possibilités vocales, ce qu'il ne fait pas finalement dans Péléas. Il va presque plus loin dans cette mélodie qu'il a composée en même temps qu'il écrivait Péléas. C'est tout à fait contemporain. Alors on écoute Karen Vourges, donc dans cette chevelure des chansons de Bilitis, Claude Debussy, Pierre Louis. Je devenais toi-même. Karen Vourges, donc, qui est la Mélisande en ce moment de l'Opéra Comique, mais qui l'a chanté, donc, La Chevelure, les chansons de Bilitis, Pierre-Louis, Claude Debussy. Elle était accompagnée par Suzanne Manoff et c'est un disque aparté. Alors, dans ces vendredis de la musique consacrés à Péléas et Mélisande, Claude Avremont, nous avons posé le décor, analysé un peu la création. Déjà, nous sommes entrés dans l'écriture et nous avons eu notre Mélisande. Donc, il nous faut notre Péléas. Alors, le Péléas, c'est toujours celui de l'Opéra Comique. Il s'appelle Philippe Addis. C'est un très jeune chanteur que nous sommes allés rencontrer avec Olivier Guérin, qui est un personnage qui est déjà un peu Péléas, un peu rêveur, un peu évanescent comme ça, et en même temps très subtil. Vous allez voir dans sa façon de parler. Il est canadien. Il nous disait d'ailleurs que c'était très difficile de chanter Péléas en Amérique du Nord parce que c'était très peu monté, une fois tous les 10 ans. Et avec lui, nous allons essayer d'entrer dans ce personnage de Péléas, imaginé, écrit, composé, façonné par Claude Debussy, Philippe Addis. Ben, je crois qu'il est très naïf, même pas romantique dans le sens qu'il n'est jamais en train de réfléchir sur les sensations qu'il reçoit du monde qui l'entoure. C'est juste qu'il il fait l'expérience dans le moment. Alors, il est très sensuel dans ce sens-là, mais il ne fait jamais l'analyse de ce qui lui passe. Il est juste en train de faire des expériences. Chaque expérience, c'est vraiment la première fois que tu sens ces fleurs-là ou que tu vois les cheveux d'une belle femme. C'est à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe par rapport au sens, c'est la première fois que ça lui frappe. Alors oui, c'est ça, c'est vrai. Il faut qu'il soit jeune comme personnage. Il y a beaucoup de détails à travailler. Chaque mot a un sens ou peut avoir un sens. Il faut faire beaucoup de choix puisque c'est assez nébuleux des fois ce que les personnages se disent, mais ça nous donne des options. On peut le jouer plusieurs façons. C'est un défi, mais j'adore ce process. Il y avait des phrases où j'avais, en travaillant ça moi-même, je croyais que c'était, je ne sais pas, grand, lyrique, des phrases qui vont dans l'aigu. Et on a décidé de temps en temps que, même si c'est quelque chose dans l'aigu, on pourrait le faire avec une intensité de ce qu'on appelle sotto voce. Alors, aussi intense que si on criait, mais sans être fort. On est plus tendu quand on retient le son un peu. En fait, c'est comme de la musique de chambre, entre les voix et l'orchestre, et aussi le chef est partie de ce triangle. Il y a comme des, est-ce qu'on dit relais, alors souvent des phrases passent d'un à l'autre, et tout d'un coup, on pensait que l'orchestre nous accompagnait, les chanteurs, mais là, en mi-phrase, c'est en fait nous qui les accompagnons. On chante peut-être quelque chose, une phrase qui est plus ou moins monotone, mais les instruments dans la fosse jouent, je ne sais pas, un grand arche, où eux, c'est la mélodie. Alors, on fait un relais, par exemple, dans la scène de la Fontaine des Aveugles, il y a comme une ligne mélodique qui passe à chaque demi-mesure entre Péléas, Mélisande, les hautbois, où c'est tout à propos de l'eau qui coule. On sent que c'est très fluide. On veut créer des couleurs musicales avec tout l'ensemble, comme si on était un instrument. Alors, ça le rend liquide, fluide. C'est ça le but. Pour vous, qu'est-ce qui est le plus difficile dans ce rôle de Péléas? Pour moi, en fait, j'ai trouvé un grand défi, c'était de trouver le moment où je pouvais vraiment me relaxer en le chantant, parce qu'il y a des scènes très intenses, surtout la grande scène dans le quatrième acte avec Mélisande. C'est le moment où finalement Péléas décide qu'il va partir le lendemain. Il faut qu'il rencontre Mélisande et ils ont cette rencontre dans le parc près de la Fontaine des Aveugles. Il dit il faut que je la voie une dernière fois jusqu'au fond de son cœur, parce qu'il réalise que il était toujours dans sa tête lui-même. même quand il était ensemble avec elle dans les scènes précédentes, c'était comme il était en train de faire, comme j'avais dit, des expériences sensuelles, mais il ne partageait pas trop. Il n'était pas vraiment dans le monde de Mélisande. Alors finalement, il décide qu'il faut qu'il soit vraiment présent. Et c'est très tendu. Et finalement, les deux se disent qu'ils s'aiment. Et plus tard, Golo, le frère de Péléas, arrive et tue Péléas. Alors, c'est une scène longue, tendue, mais aussi, il faut garder cette tension tout le long pour qu'on arrive au climax. Mais en même temps, il faut trouver des manières qu'on peut respirer quand même à travers d'une... Je ne sais pas, cette scène, c'est à peu près presque 20 minutes de longueur. Et j'ai fallu vraiment trouver les moments où Péléas peut retourner à l'intérieur de lui-même. Et puis, après quelques phrases, ça ressort encore cette excitation d'être avec Mélisande. Parce que si on le fait comme au maximum du début de la scène, on n'arriverait pas à chanter. Est-ce que la partition vous aide à trouver ces moments de tension et détente, oui? Si on le regarde bien, oui, c'est tout là. Debussy, c'est incroyable comment il a su construire une scène vocale qui est à la fois excitant, mais quand même possible à présenter physiquement. Non, c'est un chef-d'œuvre. Il faut juste regarder la partition et voir, ah oui, il me donne permission de redémarrer à ce point-ci. Tout est là, il faut juste vraiment... Vous pouvez nous expliquer comment, enfin, concrètement, pour qu'on se mette dans votre place? Par exemple, j'ai joué en rêve autour des pièges de la destinée, et puis là, ça retombe. Je vais lui dire que je vais fuir. Et puis, il est tard. Et alors, il commence à percevoir tout ce qui l'entoure. Elle ne vient pas. Je ferais mieux de m'en aller sans le revoir. Et ça remonte. Ça fait comme il y a des vagues. Ses pensées à propos de Mélisande viennent au premier plan. Et puis, ça retombe. Il observe tout à coup ce qui l'entoure vraiment. Et puis là, il se remet encore une fois dans sa tête, très excité, très tendu. Nous avions choisi la Mélisande de Karajan en la personne de Frédérica von Stein. Là, nous sommes passés à Claudio Abbado parce que le Péléas est beaucoup plus extraordinaire. C'est François Leroux qui était un grand, grand Péléas, vraiment avec formidable la façon dont il phrase le français, enfin la prononciation, Claude Abromont. Grande légèreté, oui, oui. Et puis une émotion. Et puis en même temps, une brillance dont le rôle a besoin. Alors, on va s'attaquer à quelque chose, parce qu'on a commencé finalement en se demandant le rapport Wagner-Debussy, mais là, il y a un mot qu'on va peut-être employer, le mot leitmotiv, parce qu'on va se rendre, alors, qui est très wagnérien, et dont on va se rendre compte que Debussy va s'en servir dans Péléas et Mélisande. Alors, j'ai envie de dire, le leitmotiv chez Debussy, c'est presque le contraire de celui qu'utilise Wagner. Parce que chez Wagner, c'est fait pour être perçu. Et j'ai envie de dire, Wagner était un révolutionnaire au sens politique du terme et souhaitait que sa musique s'adresse vraiment à la foule. Il était convaincu que vraiment il fallait pouvoir arriver à cette musique sans préparation. Et donc son moyen a été notamment le leitmotiv. Chaque personnage, chaque objet a un thème très facilement reconnaissable, très bien mis en valeur. Il est fait pour être entendu. Et j'ai envie de dire, le leitmotiv chez Debussy, c'est l'inverse. Debussy rêvait même à un moment de créer une société d'ésotérisme musical. Il détestait, une forme de divulgation des choses. Il aimait le secret. Il ne disait pas grand-chose sur sa musique en réalité. Et donc, il a fait presque comme s'il n'y avait pas de leitmotiv dans Péléas. Il les a presque cachés. Et du coup, chacun des leitmotifs ne fait que quelques notes. Ça lui permet de se transformer en permanence et de marquer l'inconscient et non pas le conscient. C'est quelque chose. Donc on est vraiment toujours dans le subliminal, ce qui se suggère et ce qui se. C'est plus un symbole, c'est ça, qu'un leitmotiv. Et donc, chaque personnage a en général à sa disposition trois notes. C'est pas beaucoup. Golo, on n'en a que deux. Et c'est les deux qui sont communes. Il ne mérite pas mieux. Non. Et alors, il va réussir Debussy à typer ces formules de trois notes. Donc on va les écouter. Donc ils sont bien sûr joués par les instruments. Chez Wagner, ils sont parfois chantés, les leitmotifs. Là, ils sont vraiment que donnés à l'orchestre. Et juste, vous voyez bien d'ailleurs dans ce que disait Philippe Addis, le mélange entre la voix, l'orchestre, cette espèce d'incroyable sophistication. Oui. Ouais. Par contre, il y a des leitmotifs chez Debussy aussi pour typer des lieux, des moments, des scènes. C'est-à-dire qu'ils disparaissent après. Ils peuvent arriver à un moment et ils vont disparaître. Et il y en a quelques-uns, bien sûr, qui sont très importants. Alors, on va commencer par celui de Péléas. C'est un des moins importants. Péléas est un personnage qui, d'une certaine façon, échappe aussi et s'échappe à lui-même. Il découvre qu'à la fin qu'il est vraiment amoureux, il veut partir, il veut fuir. C'est ce que disait Philippe Addis. C'est magnifique ce qu'il disait. C'était très, très juste. Et donc, son motif, ça va être une seconde et une carte. Trois notes. Alors, on est très attentif parce que ça va passer très vite. Oui. Donc le leitmotiv de Péléas est presque toujours à la flûte. On va le retrouver à un autre moment à la flûte, juste après la voix. Alors, viens d'entendre donc ce petit leitmotiv très bref de Péléas. Claude, à un moment, passons à ce thème de Mélisande. Alors, la flûte pour Péléas et Mélisande. Plutôt le hautbois, presque toujours le hautbois, parfois les cordes, les violons. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que son leitmotiv à Mélisande, parfois, se transforme en thème et beaucoup plus long. Alors, en général, il est court, mais beaucoup plus émouvant, beaucoup plus perçant. Alors, c'est trois notes aussi. Mais ce que si, au lieu d'une seconde et une quarte, c'est une tierce. Donc, il est un peu plus petit, vous allez voir. Et c'est comme un appel. Ça monte et ça redescend. Alors, Claude Abremont, c'est amusant avec ce leitmotiv de Mélisande dont vous nous disiez qu'il était plus long, qu'il montait, qu'il descendait. Finalement, Karen Wurch nous disait qu'elle avait très peu à intervenir, que c'était des choses très brèves au niveau vocal en tant que Mélisande. Et là, par contre, on dirait que c'est le leitmotiv finalement qui parle pour le personnage. Oui, il est très très présent dans l'opéra et il a, je dirais, les présences de façon sonore. On l'entend quand il arrive, il est émouvant, il est touchant. C'est vraiment lui en grande partie qui porte l'émotion de l'opéra. Alors, Golo, qu'est-ce qu'il lui a réservé Alors, Golo, c'est assez terrible parce que Golo, c'est un mouvement tournant sur lui-même. C'est comme une oscillation. Comme une obsession. Quelque chose qui ne sait pas où ça va. C'est juste ta, ti, ta. Et en gros, c'est le même début que Péléas, le même début que Mélisande, mais il n'y a pas de suite. Et donc, ça donne quelque chose d'obsessionnel, d'inquiétant. Et en même temps, je dirais d'un peu chasseur, guerrier. Il y a un rythme, pam, pam, pam, un rythme qu'on trouve souvent d'ailleurs dans les choses un peu de chasse chez Wagner et qui va donner ce côté un peu énergique et presque brutal du personnage. Voilà, là, c'était donc ce thème de Golo. Oui, donc il arrive vraiment à caractériser comme ça les personnages. Et vous voyez, on peut ne pas se rendre compte qu'il y a un leitmotiv. Je pense que beaucoup d'auditeurs ne se rendent pas compte, parce que justement, Debussy fait tout pour que ça soit inconscient, cette oscillation, ces mouvements. Et c'est très subtil, justement, de point de vue traitement. Alors, bon, depuis le début que nous évoquons ce Péléas et Mélisande de Claude Debussy, bon, on parle beaucoup, on reprend les mots, l'indicible, l'évanescence, toute la fluidité, hein, c'est un mot très important par rapport à cette musique. Mais il faut dire que tout cela est vrai, et que ça va donner d'autant plus de force au moment où va surgir la violence. Et quelle violence ! Celle de Golo. Ah, elle est terrifiante au quatrième acte. Elle explose vraiment, et notamment par un retournement de situation incroyable. Les cheveux de Mélisande, oui, qui sont tellement séduisants, tellement beaux, il va lui dire « Vos cheveux servent enfin à quelque chose ». Il va l'attraper par les cheveux, il va tirer. C'est-à-dire, c'est une scène de jalousie, oui, d'une violence extrême. Hein. Oui, oui, c'est une vraie scène de brutalité. Ouais. On pourrait rapprocher, moi je trouvais en écoutant ça, parce qu'il y a quand même des mots, les mots, on le sait, sont très importants dans cette affaire. Et au tout début de l'opéra, quand Golo va être face à cette Mélisande qu'il appelle petite fille, oui, hein, et qu'il s'approche, elle lui dit ne me touchez pas, ne me touchez pas. Et il y a quelque chose vraiment qui se rétracte en elle, oui, à l'idée d'être touchée. Et là, dans cette scène de violence de Golo, il lui dit votre chair me dégoûte. Et je me disais qu'en rapprochant ces deux répliques, on, oui, a une espèce de digest effrayant d'une relation homme-femme, d'ailleurs, parce que là, il y a une violence. On pourrait analyser le personnage de Mélisande par rapport au féminin et à tout ce que ça a pu charrier à travers les, oui, siècles. Bon, c'est pas notre objet là, mais je veux dire que dans cette scène, on l'a. Oui. Hein, oui. Et si on peut peut-être lire le texte, parce qu'on va l'écouter. Donc le texte, Arcueil, l'ancêtre, lui dit qu'il voit de l'innocence dans les yeux de Mélisande, et ce mot d'innocence rend Golo fou. Hein, parce que lui ne voit pas ça, et le texte, il lui dit fermez-les les yeux, hein, fermez-les les yeux, fermez-les, ou je vais les fermer pour longtemps. Et là, effectivement, il s'empare de sa chevelure et il dit enfin elle sert à quelque chose, et il la torture littéralement en lui tirant les cheveux. Enfin, le mot est même faible par rapport à la réalité. Oui, oui, oui, c'est vraiment une brutalité, et une brutalité qui ne dit pas son nom d'ailleurs, parce qu'il ne se rend pas compte de sa brutalité, parce qu'il y a une scène extraordinaire où elle dit qu'elle est malheureuse, et il dit mais quelqu'un vous a-t-il fait du mal ? Est-ce que Péléas ? Est-ce mon père ? À aucun moment, il se dit « Est-ce moi ?» Ça lui vient même pas l'idée que c'est peut-être lui qui l'a brutalisé. C'est quelque chose qui, c'est bien sûr de l'ordre de l'inconscient, il refuse cette idée. Et là, tout d'un coup, ça sort. Et je pense que c'est intéressant aussi de savoir que Debussy adorait Edgar Poe. Il pensait justement à la chute de la Maison Huchère et lisait des textes assez violents. Dont on a des extraits de ce qu'il a composé, tout à fait, tout mais à fait. Dont on n'a pas de totalité. Oui. Et donc, je pense que, de même qu'on a vu que la dimension érotique l'intéressait, je pense que la dimension d'un théâtre d'une grande violence, je dirais non censurée, qui est vraiment quelque chose qui explose dans l'orchestre, parce qu'on a souvent l'idée d'un petit Debussy. Là, on est vraiment très loin. C'est un Debussy vraiment qui fait exploser la masse symphonique. Il n'hésite pas. Alors, je disais que François Leroux est un grand Péléas. On a un grand Golo en la personne de José Vandamme qui l'a transporté avec lui sur toutes les scènes du monde. Et on va écouter cette scène de violence donc de Golo, José Vandamme, dirigée là par Claudio Abbado. Je les connais, ses yeux, je les ai vus à l'œuvre. Fermez-les, je vais les fermer pour longtemps. Mettez pas ainsi votre main à la gorge. Je dis une chose très simple. Je n'ai pas d'arrière-pensée. Si j'avais une arrière-pensée, pourquoi ne la dirais-je pas? Ah, ah! Ne tâchez pas de fuir ici. Donnez-moi cette main. Ah! Vos mains sont trop chaudes. Allez-vous-en, votre chair me dégoûte. Allez-vous-en. Il ne s'agit plus de fuir à présent. Vous allez me suivre à genoux devant moi. Ah ah, oh, je présente enfin quelque chose. À droite et puis à gauche. À gauche et puis à droite. Comme ça, comme ça. En avant, en arrière, jusqu'à terre, jusqu'à terre. Vous voyez, vous voyez. jalousie démente de Golo dans la voix de José Vandamme, sous la direction de Claudio Abbado, Vandamme qui est aussi le Golo de Karajan d'ailleurs, oui. Mais on trouvait qu'il était plus violent encore dans cette scène. Ça allait encore un peu plus loin. Ouais. Alors, Claude Abromont, on est au terme de ce moment passé autour de Pélias et Mélisande. Vous avez encore envie de nous dire une petite phrase peut-être? Oui, peut-être juste. On a vu la dimension érotique, on a vu la violence, mais il y a quelque chose qui plane autour de Pélias, c'est la mort. Et le dernier acte, ça sera justement un acte totalement morbide de la fin. Et donc, il n'y aura plus cette violence, il y aura des bribes, il n'y aura plus cet érotisme, il y aura des bribes. Mais là, c'est la mort qui aura gagné à la fin. Alors, d'accord. Alors, on peut quand même vivre en se nourrissant de Pélias et Mélisande. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Bon, il y a cette production à l'Opéra Comique, là, tout le mois de juin jusqu'au 27, où on peut entendre Philippe Addis et Karen Wurch, qui étaient nos Pélias et Mélisande aujourd'hui, qui nous ont parlé de leur façon de sentir ce rôle. Il y a, quand on ne peut pas aller à l'opéra, on peut le regarder en DVD. Alors, il y a une version très intéressante où c'est Nathalie Dessay qui chante Mélisande et qui est dirigée par Bertrand de Tilly, et c'était dans une mise en scène de Laurent Pelly. Et puis il y a un autre DVD d'une production que j'avais vue personnellement sur scène qui était tout à fait extraordinaire parce qu'il avait enlevé Pierre Strasser, La Fontaine, tout ce qui était justement réaliste pour faire presque une scène de l'inconscient. Donc c'était mise en scène de Pierre Strasser dirigée par Gardiner qui dirigeait l'Opéra Comique. Et j'avoue que c'était plutôt dans une théâtralité débarrassée comme ça de toute scorie. Tout en intérieur d'ailleurs. Voilà, tout en intérieur avec une sorte de façon un peu à la Wieland Wagner, de laisser se déployer la musique dans l'espace, qui était tout à fait... Et en plus, le film est recomposé, donc c'est pas du théâtre filmé, c'est assez formidable. Et puis, bien sûr, si vous voulez tout savoir, analyser l'œuvre, le Pélias et Mélisande de l'avant-scène opéra, parce que, comme d'habitude, vous avez l'analyse de la partition, le livret, des tas d'articles, Pierre Boulez qui donne sa vision, parce qu'il a fait une belle version au disque aussi. Mmh. Et nous avions choisi Abbado ou Karajan, deux versions qui sont des versions importantes, Abbado chez Deutsche Grammophon et Karajan chez EMI. Et puis on peut dire tout de même la version de référence, la version ancienne de Deux Ormières, avec Jacques Janssen et Irène Joachim, et qui évidemment est datée d'une certaine façon, mais qui a quand même une beauté dans la façon de chanter le français. Il y a aussi un article de Christian Kaoui que je voudrais citer, qui est assez formidable et qui montre tous les liens de Debussy et de Maeterlinck, qui canalise très bien le texte aussi. Alors ça, c'est dans Claude Debussy, Jeu de forme, sous la direction de Maxime Joss, c'est chez Estetica édition Rue d'Ulm. Oui. Et là, il y a tout un tas d'articles sur Debussy, pas simplement sur Pélias et Mélisande, mais sur tous les aspects du monde de Debussy. Ben voilà, on n'a pas fait le tour, mais on a fait quand même un petit bout de chemin dans ce royaume d'Allemonde, celui de Pélias et Mélisande. Merci à vous, Claude Abbromont. Merci. Comment mettre fin au mystère? Quel coda après l'indicible de Debussy? Eh bien, peut-être en entrant dans un univers qui joue de la même façon avec le thème de la nuit, de l'amour, de la sensualité. On y joue aussi avec les langues, le français bien sûr, mais aussi l'allemand, l'italien, l'anglais et encore, vous allez voir, l'espagnol. Alors tout ceci dans un disque Deutsche Grammophon qui s'intitule Night and Dream. Il est interprété par Misha Brügger-Gossmann. C'est une cantatrice canadienne qui a un physique et qui a un goût du vêtement qui n'aurait rien à envier à l'extravagance d'une impératrice du blues. Elle a une voix tout à fait charnelle, capable pourtant de toutes les évanescences, une richesse de couleurs que l'on déguste dans ce disque où elle nous balade de Debussy justement à Strauss, de Strauss à Schubert, de Schubert à Fauré. On y sent le frôlement d'une chevelure emportée par les vents singuliers de la musique d'Hugo Wolf, encore sur le thème des boucles. Et on y croise aussi Mozart et des impressions crépusculaires. Je disais donc que dans ce disque gisait peut-être aussi un mystère, et bien c'est le mot qui m'était venu à l'écoute de Nana, c'est une très brève berceuse de Manuel de Falla que Misha Brügger-Gossmann interprète comme un souffle posé sur une ligne de chant qui relèverait plus de l'improvisation, de la douce pulsation de l'instant que d'une partition parfaitement écrite. Alors je vous laisse avec ce souffle tendre et énigmatique et je vous retrouve ici même la semaine prochaine. Thank you. C'était Décibel, une émission proposée par Jeanne-Martine Vacher, attachée de production Sylvia Favre. Le mixage était réalisé aujourd'hui par Johan Richard Dufour et la réalisation par l'indicible et l'inexprimable Olivier Guérin.